Victor Hugo. Grand âge et bas âge mêlés. Chant sur le berceau. Je veille. Ne crains rien, j'attends que tu t'endormes. Les anges sur ton front viendront poser leur bouche. Je ne veux pas sur toi d'un rêve ayant des formes. Farouche. Je veux qu'en te voyant là, ta main dans la mienne, le vent change son bruit d'orage en bruit de lyre, et que sur ton sommeil la sinistre nuit vienne sourire. Le poète est penché sur les berceaux qui tremblent, il leur parle. Il leur dit tout bas de tendres choses. Il est leur amoureux et ses chansons ressemblent aux roses. Il est plus pur qu'avril embaumant la pelouse et que mai, dont l'oiseau vient piller la corbeille. Sa voix est un frisson d'âme à rendre jalouse l'abeille. Il adore ses nids de soie et de dentelle. Son cœur a des gaietés dans la fraîche demeure qui font rire aux éclats avec des douceurs telles. On pleure. Il est le bon semeur des fraîches allégresses. Il rit. Mais si les rois et leurs valets sans nombre viennent, s'ils voient briller des prunelles tigresses dans l'ombre, s'ils voient du Vatican, de Berlin ou de Vienne sortir un guet-apens, une horde, une Bible, il se dresse. Il ne faut pas plus pour qu'il devienne terrible. S'il voit ce basilic, Rome, ou cette araignée, Ignace, ou ce vautour, Bismarck, faire leur crime, il gronde, il sent monter dans sa strophe indignée l'abîme. C'est dit. Plus de chansons, l'avenir qu'ils réclament, les peuples et leurs droits, les rois et leurs bravades, sont comme un tourbillon de tempête où cette âme s'évade. Il accourt, reviens France à ta fierté première, délivrance, et l'on voit cet homme qui se lève, ayant Dieu dans le cœur et dans l'œil la lumière du glaive. Et sa pensée, errant alors comme les proues dans l'onde et les drapeaux dans les moires mêlés, est un immense char d'aurore avec des roues ailées.